Évariste Ndikoba Nyanga. François Kimana sur la mise en onde. Bienvenue dans ce journal d'édition de la soirée de ce vendredi 7 avril 2017. Donc voici d'abord le sommaire. Les habitants du site Gasséni, où sont en train d'être érigés les immeubles du palais présidentiel, n'ont pas pu quitter cette localité comme leur ont été exigés par les policiers qui étaient là en surnombre depuis ce vendredi matin. Ces habitants exigeaient toujours des indemnisations avant de partir. Tous les fonctionnaires de Carossi sont sommés de payer 3% des cotisations sur leur salaire pour la construction du stade de Carossi. L'exemple le plus parlant est de deux enseignants de l'Ekofo Rusagara en commune Gitaramuka qui passent 6 jours en détention pour avoir refusé de donner ses cotisations. La commission Vérité et Réconciliation doit choisir des personnes qui n'ont pas d'étiquette politique. Dans le travail de recueillir des témoignages, c'est un appel lancé par le président du parti Sawanya Frode Bunyakuri. Au moment où la commission Vérité et Réconciliation est en train de mettre sur pied des comités communaux et provinciaux. Rebonsoir. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une présence massive des policiers s'est observée depuis ce vendredi matin dans la localité d'Ogasenya, en commune Mutimbuzi, dans la province de Bujumbura, où sont en train d'être construits les immeubles du palais de la présidence. Cette police était venue expulser les habitants de cette localité. La démolition de leur maison qui était prévue n'a pas eu lieu. Ali Dandaïkeza a été là pour nous, son reportage. Les tables, les armoires, les ustensiles de cuisine et les habits, c'étaient les objets qui composaient le plus gros des affaires à évacuer dans les maisons se trouvant dans les 40 hectares qui vont abriter le nouveau palais présidentiel. Le dernier délai accordé par le ministère de l'Environnement aux habitants de la colline Gasséni pour occuper les lieux avait pris fin mercredi 17h. Dans la matinée de ce jeudi, les policiers étaient au rendez-vous pour faire sortir ces résidents de leur maison. Ils nous ont dit, nous la police, on exécute l'ordre qui vient d'en haut. Un des policiers a appelé au téléphone le gouverneur, mais il n'est pas venu. Même les députés que l'on a élus ne sont pas venus. Vous comprendrez donc que le blocage est au niveau supérieur. Nous n'avons nulle part où aller. On nous a ordonné de quitter les lieux avec tous les équipements. C'est la police qui a donné cet ordre. Mais nous ne savons pas quand ils vont commencer à détruire. Certains de ces habitants n'ont pas pu évacuer leurs biens par manque de moyens, car ils n'ont pas encore perçu leurs indemnités. On nous a demandé de mettre dehors tous nos biens avant la démolition de nos maisons. Mais comme nous n'avons pas où aller pour mettre nos biens, nous avons dû attendre, peu importe s'ils viennent démolir, car nous n'avons pas où les mettre et en plus déplacer tous ces biens coûte cher. Force est de constater que le problème foncier de Gasséni ne concerne pas uniquement une vingtaine de maisons, mais plutôt une soixantaine. Merci à Ali Dandaïkeza qui tombe Mutimbuzi pour Boubanza où une personne a été tuée. Une autre grièvement blessée à la machette au cours de la nuit de ce jeudi sur la colline Rugunga de la commune Gihanga. Les sources administratives indiquent qu'il s'agit des bandits qui voulaient voler des vaches mais qui se sont heurtés aux bergers qui veillaient. Les détails avec Space Caritas Kabayan. Comme l'indiquent les sources sur place sur la colline Rukunga en commune Gihanga, c'était aux environs de minuit, au moment où un groupe de bandits armés de machettes a fait irruption dans les étables d'élevage de la même colline et 3 bergers qui veillaient ont crié au secours. Et 2 d'entre eux ont été capturés et grièvement blessés à la machette, tandis que le 3e berger a pu échapper. L'administrateur de la commune Gihanga indique que les policiers sont arrivés en intervention après le départ des agresseurs et les 2 blessés ont été vite évacué à l'hôpital, mais l'une des victimes a succombé juste après l'arrivée à l'hôpital. L'autre se trouve dans un état très critique selon ses proches. Des sources policières indiquent que les enquêtes ont déjà commencé. C'est ce qu'a dit Karanyana Uwanza, Radio Isanganiro.